Lucie marchait seule dans la rue. Lorsqu'elle se fit accoster par ce bel inconnu, elle était seule, seule, elle était frêle, frêle, elle était seule, seule, elle était faible, faible. Impatiente de le revoir à nouveau, elle lui a demandé son numéro. Il lui propose de la ramener en vago. Elle acquiert de la tête sans dire un mot. C'est pour toutes les meufs de 13 à 18 ans qui croient en l'amour de leur prince charmant. Elles tournent dehors après des mois. L'amour aveugle n'a ni cœur ni loi. C'est pour toutes les meufs de 13 à 18 ans qui croient en l'amour de leur prince charmant. À monter boire un verre, Stacy ramène l'inconnu chez son père. Ça tombe bien, ce soir il n'est pas là. Elle peut rester toute seule avec ce gars. Ça ne fait aucun doute, il lui plaît, elle lui plaît, il se plaisent. Stacy finit par l'embrasser, elle se dit qu'elle se sent bien avec ce que mais c'est pour toutes les meufs de 13 à 18 ans qui croient en l'amour de leur prince charmant. Elles tournent dehors après des mois. L'amour aveugle n'a ni cœur ni loi. C'est pour toutes les meufs de 13 à 18 ans qui croient en l'amour de leur prince charmant. Elles tournent dehors après des mois. L'amour aveugle n'a ni cœur. Enfin achevé, bien installé sur le canapé. Il lui propose de faire des choses osées. Elle lui répond qu'elle veut garder sa virginité. La haine d'avoir fait ça juste pour une tasse de café. Sale, tu m'as fait venir ici pour rien. T'as vraiment cru que j'allais partir d'ici sans avoir vu tes. J'ai pété la te trouer, te mettre des claques. Tellement je veux te sur ton cœur à des cloques. Vas-y bouffe ma. Bouffe, bouffe, bouffe, si t'es une. Alors moi je suis ton pisse. Je me vider dans ta. Te démonter le. Vas-y, suce mes. Suce, suce, suce mes. Aïe. C'est pour toutes les meufs de 13 à 18 ans qui croient.